Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la chute de Rome. Rome, c'est le carrefour des religions nouvelles venues de l'Orient, sous le signe d'Isis et d'Osiris, de Cybèle ou de Mithra. Rome, c'est aussi la disparition de son armée, remplacée par des mercenaires impuissants à contenir les assauts des barbares. Et Rome, c'est enfin l'avènement du christianisme. L'agneau de Dieu a pris la place de la louve, non sans s'être gorgé de son lait. Le pape a remplacé l'empereur. La chute de Rome, évoquée ici en quelques mots à l'émission L'International des Rois en 1983. Rome, sa grandeur et sa chute qui continue aujourd'hui encore de nous fasciner. Comment expliquer la chute de ce si puissant empire romain? Les causes invoquées par les uns et par les autres sont innombrables et tout aussi innombrables sont ceux, les historiens, les politiciens, les artistes qui tentent aujourd'hui encore des rapprochements avec l'époque actuelle. Les signes du déclin de l'Empire sont partout. La population qui méprise ses propres institutions, la baisse du taux de natalité, le refus des hommes de servir dans l'armée, la dette nationale devenue incontrôlable, la diminution constante des heures de travail, l'envahissement des fonctionnaires, la dégénérescence des élites. Avec l'écroulement du rêve marxiste-léniniste, on ne peut plus citer aucun modèle de société dont on pourrait dire « Voilà comment nous aimerions vivre ». Comme sur le plan privé, à moins d'être un mystique ou un saint, il est presque impossible de modeler sa vie sur aucun exemple autour de nous. Ce que nous vivons, c'est un processus général d'effritement de toute l'existence. Et ce processus vous paraît inévitable? Ah oui, certainement. Le déclin d'une civilisation est aussi inévitable que le vieillissement des individus. Au mieux, on peut espérer retarder un peu le processus. C'est tout. Remarquez que nous, ici, nous avons la chance de vivre en bordure de l'Empire. Les chocs sont beaucoup moins violents. Extrait du film de Denis Arcand, Le déclin de l'Empire américain, réalisé en 1987. Vous avez peut-être reconnu cet extrait. Le déclin de l'Empire américain dans lequel Denis Arcand compare en quelque sorte la fin de la domination de la civilisation occidentale actuelle avec le déclin de la civilisation romaine. Pour nous parler de la chute de Rome, Raphaël Welland, spécialiste des rapports entre Occident et Orient à l'Antiquité et au Moyen-Âge et qui enseigne l'histoire du monde gréco-romain et byzantin à l'Université de Montréal. Raphaël Welland, bonsoir. Bonsoir. La chute de Rome, Raphaël, en 20 quelques minutes, tout un programme. Effectivement. On va revenir d'abord à cet extrait qu'on vient d'entendre. Ce que décrit Dominique Michel, le personnage de Dominique Michel dans cet extrait qu'on vient d'entendre, peut aussi bien s'appliquer à ce que l'on vit à l'époque actuelle, en fait, au déclin de cette civilisation occidentale actuellement, qu'à la chute de Rome. Arcand fait ce parallèle-là. Ils sont très, très nombreux à le faire. Pourquoi est-ce qu'il y a presque une obsession à tenter ce parallèle entre l'époque actuelle et la chute de Rome? Alors, je pense qu'il y a tout d'abord un parallèle entre Rome et toutes les civilisations occidentales qui se sont succédées par la suite. Que ce soit à l'époque de Napoléon, que ce soit même avant lui, en Allemagne, au Moyen-Âge, il y a un empire romain, germanique. À l'époque de la reine Victoria, on est Rome. Aujourd'hui, aux États-Unis, on est Rome. Donc, il y a toujours des c'est parallèles. C'est comme la référence. L'empire romain, c'est... L'empire par excellence. Ouais. Les institutions, la légitimité... Le grand empire qui s'étend, qui étend sa culture, qui étend tout ce que vous voulez. Et tout le monde descend de là. Tout le monde a un petit peu de sang d'Auguste, de César. Tout le monde aimerait, en tout cas, être César. Mmh. Et personne ne voudrait chuter. Donc, c'est l'image de cette puissance infinie, ce géant, qui finit par s'effondrer. Et il faut bien trouver des raisons pour lesquelles il s'effondre. Il y a toutes les fois qu'un empire, qu'une civilisation nouvelle pense qu'elle est en train peut-être de commencer à péricliter, on en revient à la chute de cet empire de référence. Mais il faut dire que toutes les civilisations croient toujours qu'elles sont en train de péricliter. À chacune de leurs périodes, Rome elle-même pense au 1er siècle, donc au moment, disons, où les Romains sont à l'apogée, au fait de leur puissance. Un auteur qu'on appelle Tacite, début du 2e siècle, écrit que tout va mal. La corruption des élites, les gens sont faibles, ils veulent cesser d'agrandir l'Empire. Tout va mal et les barbares sont bien meilleurs. Et pourtant, c'est un très bon moment. Et ce sera beaucoup plus tard que, de fait, plus tard. L'Empire tombera. Cet empire-là, prenons quand même une minute, Raphaël Ouellane, pour rappeler ce que c'est à son apogée en termes de, d'étendue géographique, de puissance politique et militaire, de finesse de civilisation dans l'art de vivre. Tout à fait. Écoutez, c'est un empire qui va depuis l'Écosse jusqu'à la Syrie, depuis la Hongrie jusqu'au Maroc, qui a fait de la Méditerranée son lac interne, notre mer, comme disent les Romains. C'est une civilisation aussi qui se répand de cet endroit à l'autre. Il y a des échanges. On voit des amphores estampillées de Syrie qui sont retrouvées en Espagne, des vins qui viennent de France et qui se retrouvent en Égypte, du blé égyptien qui va aller nourrir les soldats sur le Danube. Donc il y a des échanges commerciaux, il y a des échanges culturels, on apprend le latin, on va avoir des gens qui vont aller faire leurs études en Syrie, on va aller apprendre le droit, en Égypte, on va aller apprendre la religion. Société sophistiquée. Tout à fait. Des maisons, on va retrouver un exemple par excellence, les scientifiques qui font des fouilles au pôle Nord, qui creusent donc, pour retrouver des traces de pollution, on en entend beaucoup parler avec les histoires de changement climatique, se rendent compte que cette période de l'Empire romain est la période pendant dans laquelle, dans l'histoire du monde, avant le 19e siècle, il y a eu le plus de pollution. Et ça s'arrête, plus ou moins brutalement, avec la chute de l'Empire. Parce que justement, c'était un empire très sophistiqué. Et quand il s'effondre, eh bien, ça diminue beaucoup. Bon, ce qui est fascinant pour quelqu'un qui n'est pas historien, c'est qu'il est très précisément daté, ce moment de la chute de l'Empire. On parle non seulement de l'année 476, de l'an 476, mais du 4 septembre 476. À quoi correspond cette date? Elle correspond à un événement particulier, donc un général qui s'appelle Odoacre. C'est un général romain, mais avec un nom barbare et des origines barbares. Il mène une bande et il exige une forme de paiement. L'empereur en place à ce moment-là, qui lui-même a été mis en place par son père, qui était un autre général avec un nom romain, mais qui commandait des barbares. L'empereur s'appelle Romulus Augustule, son père s'appelle Oreste. Donc Odoacre réclame des choses, Oreste lui refuse au nom de son fils. Odoacre tue Oreste, se débarrasse de son fils, on ne sait pas s'il le tue, s'il le déplace, et il déclare, il prend les insignes impériales, la couronne, des choses du genre, et il les envoie, à ce moment-là, il y a deux empires romains, il y en a un en Occident, qui règne en Italie, et un en Orient, qui règne, disons, de la Grèce à l'Égypte, et il les envoie à l'empereur en Orient, il règne à Constantinople, l'actuel Istanbul, et il lui dit, voilà, on n'a plus besoin d'empereur en Occident, je te reconnais, mais, dis-toi que ce qui est arrivé à celui d'Occident pourrait arriver aussi. Alors, je te reconnais comme empereur tant que tu restes de ton côté de la mer Adriatique. Mais il n'y a plus d'empereur à Rome à partir de ce moment-là. Absolument pas. Mais c'est quelque chose d'important. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus d'empereur à Rome. Les empereurs se sont déplacés depuis un certain temps. Progressivement, l'empire s'est déplacé vers l'Orient, vers Constantinople par exemple. Et cet empire à Constantinople, lui, va survivre. Ce qui fait que cette date de 476, qui frappe tellement les esprits qu'on continue à enseigner dans les écoles, qui frappe les artistes, etc., les historiens la délaissent de plus en plus et parlent en fait aujourd'hui d'un changement progressif. Certains disent même que Rome n'est jamais morte, qu'elle n'a jamais chuté. C'est peut-être exagéré, mais donc, il y a plus changement progressif que chute brutale aujourd'hui. En fait, on s'entend pour ne pas s'entendre. Il y a vraiment, sur la chute de Rome, est-ce que l'Empire chute ou pas, comme vous le disiez à l'instant, mais sur cette notion de chute, 200, 300, 1000, 1 million de théories, vraiment, il y en a pour tout le monde. 210, en fait, d'après le savant allemand Alexander Demant, qui a publié dans les années 80, donc un livre qui justement s'intéresse à ça. Il a trouvé 210 théories. 210 exactement, et c'est un savant allemand, donc c'est très précis. Et il y en a pour tous les goûts. En fait, ça évolue selon les époques. Alors, le premier à établir une sorte de théorie, c'est Edward Gibbon, qui écrit un livre, La grandeur et le déclin de l'Empire romain, en 1776, donc dès le XVIIIe siècle. Et lui, au XVIIIe siècle, évidemment, c'est un philosophe, donc il incrimine l'Église catholique, les méchants catholiques qui ont, on l'a entendu dans l'extrait du début de l'émission, vidé Rome de sa vigueur et qui l'ont remplacé par la mollesse, etc. Plus tard, on va avoir des gens qui vont expliquer que en Allemagne, dans les années 30, par exemple, on impute la chute de Rome aux Juifs et aux barbares. Plus tard, dans les années 60 et 70, on va parler plutôt de facteurs écologiques. Donc, on a fait de la déforestation, il y a eu des changements climatiques, il y avait du plomb dans l'alimentation, toutes sortes de choses du genre. Et aujourd'hui, dans un contexte de multiculturalisme, d'Europe, d'Amérique en déclin, peu sûr d'elle, on impute tout ça aux barbares et on fait un rapprochement entre les barbares et les nouveaux barbares. les réfugiés, les immigrants, qu'on pointe du doigt aujourd'hui et qu'on pointe du doigt à 1500 ans d'écart pour se servir d'une ancienne chute et pour montrer notre chute qui s'en vient. Il reste que depuis le début de cette émission, ce thème, le barbare revient beaucoup. Il y aura réellement, puis on y viendra dans un instant, des invasions barbares, le pillage de Rome, par exemple, en 410, on y arrive. Mais sur le thème plus général de barbares, Raphaël Welland, qu'est-ce qu'on entend là? On parle de barbarisation à un moment donné, avant même que l'Empire ne chute. Vous le disiez à l'instant, là. Il y a des empereurs qui eux-mêmes sont, entre guillemets, barbares. Là. Il y a un métissage, l'étranger vient vivre et participer à la cité romaine. Qu'est-ce qu'on entend par barbare? Alors, commençons par définir ce qu'est un barbare. Barbare, c'est ce que les anciens Grecs, donc 1000 ans avant la chute de Rome, vers 420 avant Jésus-Christ, Hérodote, le premier écrivain, décrit ce qu'est un barbare. Un barbare, c'est quelqu'un qui ne sait pas parler le grec. Donc il dit « bra, bra, bra » et donc c'est un barbare. Il bave plutôt qu'il ne parle. Donc c'est quelqu'un, c'est un étranger, un non-grec. Avec le temps, ça va devenir quelqu'un qui n'a pas de culture, qui est d'une culture étrangère. Les Romains vont absorber les Grecs. Donc au départ, les Romains sont eux-mêmes des barbares. Ouais. Mais ils vont absorber les Grecs et ils vont devenir eux-mêmes les civilisés et les autres vont devenir les barbares. Donc au fur et à mesure, d'autres vont être les barbares, les Gaulois à l'époque de César, puis on va intégrer les Gaulois. Alors les Gaulois ne seront plus des barbares, ce seront les Germains, ce seront les Goths, ce seront toutes sortes d'autres peuples. Et ces barbares, donc, ces étrangers, finalement, vont venir dans cet empire romain qui attire, évidemment, vont y participer aussi. Ce ne sera pas toujours simple. Un extrait pour vous, ça va vous faire sourire. Je ne sais pas si vous avez vu le film, extrait d'un film qui date de 1964, mais déjà en entendant ce qui suit, vous allez avoir une idée du ton. La chute de l'empire romain, on y entend l'empereur Commode qui en appelle au rejet par le Sénat romain de l'octroi de ce statut de citoyen, de citoyenneté romaine, à ce que lui appelle les barbares. Caius Metellus Livius a demandé que nous, Sénat romain, nous accordions à des barbares, à des sauvages, la qualité de citoyens romains et des terres romaines. Que nous traitions ces égorgeurs nomades comme des frères et des égaux. Et que ferons-nous à l'égard des autres provinces? De la Gaule, si loyale envers nous, de la Syrie, de l'Égypte qui nous ravitaille en grains. Si nous faisons des Romains de ces barbares, pourrons-nous refuser cette faveur aux autres peuples? Que deviendra le prestige inestimable attaché à la qualité de citoyens romains? Si nous acceptons ces barbares parmi nous, nos ennemis se hâteront de proclamer que nous sommes faibles. Alors, ils fondront sur nous de toutes parts. Et ce sera la fin de l'Empire romain. Alors, beaucoup de, aux yeux et aux oreilles de l'historien, Raphaël Welland, que vous êtes, beaucoup de fantaisie, dirons-nous, dans ce qu'on vient d'entendre. Mais quand même, qu'est-ce qui, là-dedans, peut encore être valable sur la présence des étrangers, des barbares dans Rome, la cohabitation, la tension que ça va créer, la place qu'il faut ou pas leur laisser prendre? Alors, il est évident que, et on voit encore la même chose aujourd'hui avec les immigrants, vous savez, souvent, les nouveaux immigrants sont les gens qui vont souvent se plaindre le plus des immigrants qui viennent après eux. Alors, tous les peuples dont parle l'acteur qui joue Commode dans l'extrait sont des peuples qui, justement, à un moment ou à un autre, ont été traités comme des barbares par les Romains. Les Gaulois, les Égyptiens, les Syriens ne sont pas des Romains, ce sont des barbares, mais avec le temps, ils sont intégrés à l'Empire. Et ces gens-là, effectivement, vont se plaindre. Les Gaulois, par exemple, vont faire sécession à plusieurs reprises parce qu'ils se plaignent que l'armée romaine ne les protège pas suffisamment bien contre les gens qui viennent de l'autre côté du Rhin. Donc légèrement, des gens de ce genre. Il y a une intégration des barbares, et c'est ce qui fait la grande force de l'Empire. Il y a des mythes, parmi les premiers mythes fondateurs de l'Empire romain, il y a l'idée d'aller chercher ses femmes chez les voisins et de les intégrer par le fait même à la société romaine. Donc il y a de tout cela. Sauf que cela se fait avec difficulté, et en particulier lorsque le pouvoir romain s'affaiblit. Au IIIe siècle, il y a une très grande crise qui va faire que progressivement, on va moins bien contrôler la manière dont on intègre les gens. On ne va plus les vaincre avant de les intégrer. Mmh. On va simplement les intégrer comme ça. On va commencer à donner de plus en plus de place élevée à des gens qu'on considère comme étant des barbares. Il va y avoir des soldats de plus en plus qui vont être dirigés par leur propre chef barbare, qui n'obéiront plus forcément à l'empereur, mais plutôt seulement à leur chef. Je vous parlais tout à l'heure d'Odoacre et d'Oreste. Oui. Ce sont des mercenaires, effectivement, des chefs de bande qui veulent bien s'intégrer à l'Empire tant qu'on les paye, mais quand on ne les paye pas, ça ne les dérange pas de changer d'empereur. Bon, arrivons-en à ce qu'on peut plus directement appeler invasion barbare, parce qu'il y en aura au-delà de ces flux, de ces mouvements de population, de ces nouveaux Romains d'abord barbares. Il y a des mouvements, il y a des opérations, il y a cette opération de 410, le pillage de Rome par les Goths. D'abord, un mot sur les Goths, qui sont-ils? Alors, les Goths sont un peuple, on n'est pas certain exactement d'où est-ce qu'ils viennent, etc. Les Romains ont tendance à utiliser des termes, ils utilisent toujours les mêmes termes pour parler des peuples qui vivent dans un endroit pendant 1000 ans. Donc c'est la même chose chez aujourd'hui, on ne disait pas Mexicains, mais on disait les Aztèques rentrent aux États-Unis, par exemple. Donc c'est difficile de savoir exactement d'où ils viennent, mais on croit qu'ils viennent de la Baltique, ils vont en Ukraine vers 250 après Jésus-Christ, et à partir de 370, ils commencent à frapper à la porte de l'Empire, sur la frontière du Danube, donc en Bulgarie actuelle. En 376, l'empereur qui s'appelle Valens va les laisser entrer à l'intérieur de l'Empire. On ne sait pas, probablement qu'il fuit d'autres barbares, les Huns, qui les poussent dans le dos. Ils veulent rentrer dans l'Empire, ils acceptent un traité, ils vont servir dans l'armée en échange d'être nourris, d'être installés quelque part. Il y a un problème, ils ne sont pas nourris, on nous dit qu'on essaye de leur prendre leurs enfants et leur donner de la viande de chien en échange. Et ils se révoltent, ils détruisent l'armée qui est envoyée contre eux et ils tuent Valens qui dirige cette armée. À partir de là, on va les installer quelque part, mais ils ne font plus confiance aux Romains. Ils vont s'intégrer progressivement, mais ils vont toujours réclamer davantage. Ils veulent avoir plus, ils veulent avoir une autre région plus riche. On les installe en Albanie, ils veulent être installés en Grèce. On les installe en Grèce, ils veulent être installés en Pannonie, en Hongrie. Donc au fur et à mesure, ils se déplacent, ils réclament plus de choses, ils essayent de mettre de la pression, et en 410, ils finissent par arriver sous les murs de Rome elle-même. Et voici ce qu'en dit, puis on y reviendra tout de suite avec vous, Raphaël Wallande, l'auteur Monique Berry, qui pour elle... Cette date de 410 est fondamentale, extrait de l'émission Au fil du temps en 1991. C'est un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Si l'on veut prendre une comparaison moderne, c'est l'effondrement du mur de Berlin. C'est quelque chose qui a marqué, qui est au-delà même de l'événement, est un symbole. Parce que Rome était revenue petit à petit au paganisme, le Sénat en particulier avait rappelé les sacrificateurs païens. Or cette Rome, qui était défendue pourtant par de solides murailles, est prise et mise à sac par des Goths, mais qui sont aussi des chrétiens. Donc c'est un symbole pour l'époque. Tout le monde sent que cette civilisation païenne, qui est encore extraordinairement vivante, foisonnante, est minée par le phénomène chrétien. Mais là, on voit physiquement une ville païenne, une ville qui est revenue au paganisme, s'effondrer sous le coup des chrétiens. C'était vraiment un coup de tonnerre. C'était un événement qui, déjà à l'époque, a semblé prophétique, annonciateur de ce qui allait se passer dans l'avenir. Coup de tonnerre, dans quelle mesure cette invasion de 410? Écoutez, l'Empire va survivre encore pendant une soixantaine d'années. Les Goths vont être chassés d'Italie, vont aller s'installer plus loin. Aujourd'hui, les historiens ont tendance à considérer que 410, c'est pas grand-chose. La capitale n'est plus là. Cette histoire de chrétiens qui envahissent et qui tuent les païens, écoutez, les empereurs sont chrétiens à ce moment-là. Ils massacrent les païens allègrement eux-mêmes. Il y a des guerres civiles religieuses à l'intérieur de l'Empire, tout à fait, mais il n'y a pas besoin de Goths pour ça. D'autre part, ces Goths sont fondamentalement des soldats romains. Ils sont payés par l'empereur, ils sont révoltés contre l'empereur. Et on a tendance aujourd'hui à plutôt faire valoir cette idée de guerre civile plutôt qu'une idée de lutte de civilisation, même de lutte de religion, malgré ce qu'en dit Mme Berry. Et elle n'est pas la seule, on y reviendra après cet extrait, mais sur l'importance, parce que là encore, il y a des gens qui nous écoutent et qui certainement font des parallèles, et c'est dangereux parfois de le faire, mais l'importance dans le cas de Rome, de l'arrivée du christianisme dans le déclin de cette civilisation, l'historienne Jeannick Auberger en entrevue en 1994. Mais bien vite, la religion a pris l'expansion et certaines de leurs attitudes, c'est vrai, vont à l'encontre des principes fondamentaux de l'Empire. Je vous en cite simplement deux exemples. Les chrétiens ont l'habitude d'opposer le royaume de Jésus, le bien avec un grand B, à l'Empire romain qui représente le mal. Il parle par exemple de la grande prostituée, Rome, Babylone, etc. Ça ne plaît pas à tout le monde, ça. Deuxième motif de haine, plus grave à mon avis, autant les païens, les romains, étaient prêts à intégrer la religion chrétienne, autant les chrétiens rejetaient tous les cultes païens. Et ce qui est plus grave, tout ce qu'on pourrait appeler les cérémonies païennes, c'est-à-dire les concours, les jeux du cirque, les spectacles, même le port des armes. Tertullien poussait par exemple les chrétiens à la désertion, les fonctions municipales. Donc dans une société où malgré tout il faut participer à la vie civique pour assurer la cohésion de l'Empire, les chrétiens restaient un petit peu trop en dehors de la vie romaine. Alors Raphaël Walland, quelle sera de fait l'importance du christianisme, de la religion dans la chute de l'Empire romain? Alors, il est clair que le christianisme, par sa volonté d'écraser toutes les autres religions, va mener à davantage de guerres civiles à l'intérieur de l'Empire et à des persécutions. Ça, c'est tout à fait vrai. Nous contre les autres. Alors qu'une des forces de l'Empire romain, c'était justement la tolérance religieuse et culturelle. Et il est clair qu'avec le christianisme, on va perdre de cette tolérance. Mais est-ce que ce sont donc des barbares chrétiens qui viendraient détruire une Rome païenne? Absolument pas. Rome est chrétienne à ce moment-là. Et saint Augustin, par exemple, qui écrit justement en réaction à la chute de Rome pour excuser les chrétiens, on accuse les chrétiens, c'est de leur faute, etc., va écrire donc sa Cité de Dieu. Et pour lui, la Cité de Dieu, c'est Rome, oui. Justement. Il n'y a pas d'opposition. Il n'y en a plus au moment où les Goths arrivent. Alors au final, qu'est-ce qui aura raison de ce fameux empire romain? Écoutez, aujourd'hui, vous pouvez évidemment prendre une des théories d'Alexander Demant, vous en avez donc 210, mais aujourd'hui, on a tendance à mettre de l'avant plutôt une question de perte de contrôle de la part du gouvernement central. Les entités régionales vont au fur et à mesure ne plus se sentir protégées, ne plus voir leur intérêt. Les élites locales ne comprennent plus pourquoi est-ce qu'elles devraient envoyer leurs fils et leur argent à Rome pour que ce soit dilapidé ou utilisé dans des guerres civiles ou pour protéger l'Italie mais pas protéger la Gaule. Et donc, au fur et à mesure, les élites vont se détacher du pouvoir impérial. Et on n'est pas très loin, en fait, en vous écoutant du tout début de l'émission et de cet extrait du déclin de l'Empire américain de Denis Arcand. Ah, écoutez, si vous croyez que de plus en plus on s'en va vers une individualisation de la société, qu'il n'y a plus de valeurs communes, etc., oui, tout à fait, on est près de cela. Mais aujourd'hui, on a plutôt tendance justement à parler d'un changement de civilisation plutôt que d'une chute brutale. Et peut-être que c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui chez nous, un changement graduel plutôt qu'un coup rude qui met à terre toutes nos civilisations. Raphaël Walland, historien, enseignant de l'histoire du monde gréco-romain et byzantin à l'Université de Montréal. Merci beaucoup, Raphaël. Merci à vous. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Vous pouvez aussi nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp. À la prochaine.